La plaine de Sepo dans la province du Gangwon de la Corée est transformée en centre d'élevage d'envergure. La production des herbes de bonnes espèces augmente toujours et on voit dans les prairies des troupeaux de bœufs, de chèvres, de moutons et d'autres animaux herbivores. Des centres de transformation de viande et de nourriture et des maisons d'habitation sont construits. La solution est trouvée pour les problèmes posés par l'utilisation de l'énergie naturelle dans les maisons d'habitation et les bâtiments publics et par l'entretien scientifique des prairies.